Jason Mouya le grand M. Anatole qui croit le bâtisseur. Jean-King Obila. Jean-Paul Mouchenou. Jigalinda ou Angama wa chéri à Bouzika. Chaque monde va au mari, il y a mon la kamunda fe aza la kaneti Nyato ya likolo kutuye na zambe enemi Jezabel Ignorance tope polenge ozoba Miso mingi nga kawolo te bankolo baloba Jantise mpongo oyo kaka Beweye baka nyame kile lia makaten Fule luki sou le chino noir Mama pe kisa ki nga na balaye Qui est pas sous qu'à Cléopâtre Marc-Antoine Papi Pocalon Malarole Lisa Nantete Botique la Makaku Motona Zamba Yeba Kozali Mofaya Jamais au coco m'a apprivoisé Namonda Tambo C'est la loi de la jeune C'est vrai Papa Swag Yaoui Sancha Nandi mi pas si voilé Namo Tema Patrick Misas, capitaine Bois qui salomo. C'est Misamasowanaloua. Croisière Nayakia Bobingwe comme Yaba Koutoukoulou. Jean-Claude Katana. Pas de problème. Désiré Toti Bolingwango Koutoué les Kakingaï. Les Kakingaï. Yezi pa kinga miso ya kolula manzuzi kabangor Ekanga kinga mato ya koyoka Jean-Marie esenga Sonia Livinda Aluba Alpha Misiki Atika la maboli mo ya mote mema Yobo ya mibelo ya mbina tope Natika la sepo pata Wana nanga na temo ya kola la de Wanga nange kubime una lala ki na veye ki ndume tina meto nga na soba bane ah, bale mbinde ba tonton mama se ki se tonton di akapote fadi ya mbozo me se ki tonton koko papa ya monsieur sous le lit jour cache cache Vite un moment.